Alors bonsoir et bienvenue au centre de l'universalité. C'est François Paillotte qui vous accueille. On se prépare à entendre en conférence Daniel Kemp. J'ai d'abord une nouvelle très intéressante à vous annoncer concernant l'orientation des activités du centre d'universalité pour l'année 86. À partir du tout début du mois de janvier, on a donc choisi de s'engager radicalement dans une orientation supramentale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de cohabitation de spiritualité, de mystique et de mental, puisqu'on s'est aperçu que ça faisait plus ou moins bon ménage, plutôt moins que bon. Et on va donc mettre l'accent de plus en plus sur la formation supramentale, autrement dit sur l'homme nouveau et ses principes d'énergie, d'intelligence, d'intégration de cette énergie. Alors, il va y avoir, évidemment, il y aura toujours Daniel Kemp tous les vendredis soirs ici en conférence, mais le gros changement, ça va être surtout au niveau de l'organisation des symposiums qui ont lieu toujours le dernier dimanche de chaque mois. Et c'est là qu'on va voir ce grand changement. Il va y avoir, donc, le dernier dimanche du mois de janvier, un symposium intitulé Rencontre avec des hommes nouveaux. Et on aura la participation, là, de plusieurs conférenciers, quatre comme à l'habitude. Ils n'ont encore pas tous confirmé leur venue, donc je ne peux pas vous donner les noms encore, mais je vous garantis que ce sont des conférenciers de très haut calibre dans le domaine supramental. Alors, ce soir, il va être encore une fois question de l'orientation pour le nouvel âge de l'homme nouveau face à l'enfant du Verseau. Et pour les gens qui viennent ici pour la première fois, qui ont entendu parler de l'homme nouveau à la radio, particulièrement à l'émission de Roger Drolet, Sommeil interdit, il y en a certainement parmi vous qui se posent la question, mais pourquoi soudainement cette irruption de nouveauté dans notre vie? Mais il faut dire que le supramental, ou l'énergie de l'intelligence, ou l'énergie de l'esprit, a été appréhendée il y a déjà 7 siècles de cela par Joachim de Flore, qui était un moine cistercien qui vivait en Calabre et qui avait déjà annoncé qu'il y aurait, après l'ère du Père, c'est-à-dire du principe de l'énergie de volonté, la venue de l'ère du Fils. Qui fut celle de l'énergie d'amour. Et qu'ensuite, il y aurait la venue de l'ère de l'esprit, qui est celle de l'intelligence. Il disait, lorsqu'il prophétisait, que les enfants de cette époque de l'esprit, cette époque qui est la nôtre, dans laquelle nous entrons aujourd'hui, parleront des choses qu'ils entendront de l'esprit, et qu'ils découvriront au fur et à mesure qu'ils parleront. Alors, les habitués des conférences de Daniel Kemp savent déjà que c'est le processus par lequel se manifeste l'esprit ou cette intelligence dite supramentale. Donc, c'est dans cette triunité de volonté, d'amour et d'intelligence que se manifestera, que se finalisera la sagesse absolue. C'est avec la venue de Sri Aurobindo aux Indes, de Mère et de Satprem, et plus tard de Krishnamurti, que s'est manifestée pour la première fois en Orient, sur la Terre, l'énergie supramentale qui a été intuitée et intégrée respectivement par ces hommes et ces femmes nouveaux et nouvelles. Cette instruction trouve aujourd'hui son prolongement en Occident avec des hommes comme Daniel Kemp qui vous transmettent cette vibration de l'esprit, qui vous font un transfert de l'énergie. Alors vous allez vous apercevoir aussi que lors des symposiums, ces hommes et ces femmes nouvelles poussent un peu comme des champignons au Québec et on fera une moisson, une cueillette extraordinaire le dernier dimanche du mois de janvier que l'on vous présentera. Vous allez voir que un peu toutes les facettes, suivant les différentes personnalités,